بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله pour cette deuxième assise en cette nuit du 6 شعبان 1441, autour, où nous réunissons autour d'un sujet essentiel dans la vie de tous soumis à Allah Azza wa Jal, car il concerne l'un des deux piliers de l'acceptation des œuvres chez Allah Azza wa Jal, qui est le suivi ou la conformité avec la sunna du messager alayhi salam. Et avant de débuter ce que j'ai commencé tout à l'heure, continuer le sujet de tout à l'heure, je commence par cette introduction tirée de Sourate Al-Kawthar. Sourate Al-Kawthar qui est une sourate très courte, mais dont les leçons sont énormes. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Cette sourate, trois versets, contient les conditions de l'acceptation des actes. Il nous montre les caractéristiques de ceux qui vont réussir chez Allah Azza wa Jal. La traduction approximative de cette sourate nous dit: nous t'avons certes accordé l'abondance. Le kawthar, c'est l'abondance, dans le sens général. Accomplis la salat sincèrement pour ton souverain et sacrifie sincèrement pour ton souverain. Celui qui te haït sera certes sans postérité et sera privé de tout bien. L'imam muslim, comme est relaté dans Tafsir d'Ibn Kathir, ainsi qu'Abu Daoud, ainsi qu'un Nasa'i, rapporte qu'Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda dit: une fois nous étions avec le messager d'Allah dans la mosquée, quand il fit pris part à l'égide sommeil, il baissa la tête, alayhi salatu wassalam, puis il leva sa tête en souriant, alayhi salatu wassalam. Nous lui avons dit alors: ô messager d'Allah, pourquoi souris-tu? Il a dit, alayhi salatu wassalam, je viens de recevoir une sourate. Laqad unzilat alayya anifan sura. Et il a récité Sourate Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Nous t'avons certes accordé l'abondance, accompli la salat et le sacrifice sincèrement pour ton souverain. Celui qui te haït sera certes sans postérité et sera privé de tout bien. Alayhi salatu wassalam, il leur a dit: atadruna mal kawthar? Savez-vous ce que c'est que le kawthar? Ridwanullah alayhim, ils ont dit: Allah et son messager le savent mieux. Il a dit alayhi salatu wassalam: il s'agit d'une rivière, comme mon Seigneur le Tout-Puissant m'a promise. Comme mon Seigneur le Tout-Puissant m'a promise, et cette abondance et cette source, elle est abondante en ressources. C'est un bassin où sont aussi nombreux, et il coule dans un bassin où ma communauté sera amenée le jour du jugement dernier. Et les pots ou là les vers, hein, de ce bassin seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Certains serviteurs de ma communauté en seront privés. Et je dirai, ô Seigneur, ils appartiennent à ma communauté. Il me sera répondu, certes, tu ne sais pas ce qu'ils ont introduit dans la religion après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont introduit dans la religion après toi. Hein? Donc, dans cette sourate sont contenus les deux piliers de l'acceptation des œuvres, l'accomplissement des œuvres sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Accomplis la prière et sacrifie pour ton souverain, c'est-à-dire sincèrement pour ton souverain. Hada le premier pilier. Le deuxième, celui qui te haït sera certes sans postérité. Il est dit dans la traduction de ce passage, c'est-à-dire celui qui te haït, ô Muhammad, il haït la vérité, il a preuve, il a lumière manifeste que tu apportes pour guider les gens, celui-là est donc voué à l'échec et ne verra guère la postérité et il est une personne basse qui ne sera nullement. Hein? Il sera une personne basse dont on ne se rappellera même plus. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Hein? Donc regarde ces deux qualités, la sincérité et le suivi. Et regarde ce bassin où les gens vont arriver vers le prophète alayhi salam pour boire. Hein? Une gorgée d'eau de ce bassin après laquelle ils auront plus soif. Certains de la communauté vont en être privés. Pourquoi? Parce qu'ils ont introduit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne fait pas de la religion, pas partie de la religion d'Allah. L'innovation est très dangereuse. Il empêche la personne de boire du bassin du prophète alayhi salam le jour où le soleil va être proche des créatures. Hein? Où il sera un mail. Il est dit dans le hadith un mail. Le mail, c'est soit le petit bâton avec lequel les femmes se fardent les yeux, soit la distance qu'on eut dans les mesures anglaises. À peu près 1,6 km ou 1,7 km. Et n'importe comment, que ce soit l'un ou l'autre, la situation est difficile. C'est une situation critique. Car ce jour-là, comme il est dit dans sa description, certains vont avoir la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'au nombril, d'autres ils vont être pris par leur sueur au niveau de leurs narines. Hein? Donc la situation n'est pas légère. C'est d'où il faut faire très attention. Hein? On ne dit pas cet acte est bon, donc on le fait, c'est un bel acte. Il n'y a aucun mal dans tout ça. La abadan. Il faut qu'il soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Revenons à notre sujet. Nous avons vu, lors de la première assise, la signification de la bid'a dans la langue arabe et aussi au niveau de la législation. Nous avons vu certaines ambiguïtés auxquelles s'attachent les innovateurs pour faire prévaloir qu'il y a des bonnes bid'a. Comme, hein, il s'attache à la parole de Omar ibn Khattab, il s'attache aux paroles d'Ibn Mas'ud, hein, que nous avons citées auparavant, alors que ces paroles sont plutôt contre eux, ils n'en sont pas pour eux, ce ne sont pas des arguments pour eux, abadan. Il faut savoir, frère en Allah, Azza wa Jal, et sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur la voie de notre messager et de ses nobles compagnons. Il faut savoir que les nobles compagnons, radhiyallahu anhum, utilisent certains termes de la législation dans leur sens linguistique. Et avant ça, il faut savoir que les termes ont trois significations. Une signification linguistique, une signification au niveau du coutume, et une signification au niveau de la législation. Et quand il s'agit de l'adoration, la signification qui prime, c'est celle de la législation. Et il faut savoir que les compagnons utilisent certains termes de la législation dans leur sens linguistique. Comme ce qu'a dit Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu arda, quand il s'est adressé au messager alayhi salam, où lui disons, أَجْعَلُكَ لَكَ صَلَاتِ كُلَّهَا. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, إِذَنْ تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ. Son noble compagnon Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu arda, a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, toute ma prière, je la ferai pour toi. Toute ma prière, je la dédierai à toi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dans ce qui est rapporté chez Tirmidhi. Donc, tu vas être suffi concernant tes soucis et tes péchés seront pardonnés. Ce qu'il voulait dire, radiyallahu anhu arda, par salati, ma prière, voulait dire mon dua. Car salat, sa signification linguistique, en arabe, sa signification c'est ad-du'a. Et aussi, comme la parole de Aisha radiallahu anha, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, où il a dit, radiallahu anhu ardaha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له. Et Aïcha, dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed, a dit, le messager était au milieu d'un groupe de muhajiroun et de l'ansar. Et un dromadaire est venu se prosterner devant lui. Ce qu'il voulait dire, radiyallahu anha wa ardaha, par sajada, se prosterner ici, il a baissé la tête devant le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam est arrivé devant le dromadaire est arrivé devant le prophète alayhi salam et il a baissé sa tête. Inhana bira'sihi amam ar-rasul sallallahu alayhi salam. Il a baissé sa tête devant le messager alayhi salam. Et donc la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, ni'matil bid'atu hadhihi, quelle est belle cette innovation, fait partie de ce genre de parole. Il est voulu avec la chose nouvelle dans le sens linguistique. Tarawih, la prière d'Yal Tarawih, s'est accomplie durant la vie du prophète, alayhi salam. Il a été délaissé pendant la vie du prophète, alayhi salam, pour que ça ne devienne pas obligatoire pour la communauté. Ceci prouve l'énorme miséricorde et compassion qu'avait le prophète alayhi salam pour sa communauté. Et aussi, il n'a pas été accompli durant toute la khilafa de Abu Bakr. Mais les compagnons accomplissaient salat tarawih en individuel et en petit groupe dans la mosquée. Et pendant la khilafa de Omar, il les a réunis derrière un seul imam. Alors que certains se priaient en petits groupes par-ci, par-là, et d'autres en individuel. Il les a tous réunis derrière un seul imam, radiyallahu anhu arda. Et quand il a vu ça, il y a eu cette description. Ni'matil bid'atu hadihi. Donc il a décrit cette prière en commun de Tarawih, qui se faisait devant lui, et que ceci était une belle image des compagnons derrière un imam pour Salat Tarawih. Il a dit, radiyallahu anhu arda, ni'matil bid'atu hadih. hein, et Tarawih, hein, c'est quelque chose que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a instauré dans sa sunna. Et parmi aussi, parmi les ambiguïtés auxquelles s'attachent les gens de l'innovation, pour dire qu'il y a une bonne innovation et pour faire prévaloir leurs innovations, certaines expressions et certaines paroles d'hommes de science. Et quand tu leur dis que ça, c'est pas normal, ça c'est une innovation, ils te disent, tel homme de science a dit ceci, et tel homme de science a fait cela, et c'est un homme de science, c'est un homme de mérite, et il sait mieux que nous, et sa parole est mieux pour nous que la nôtre, et ainsi de suite. Les savants ont répondu à cela. Premièrement, tout individu en prend et en délaisse de ses paroles et de ses positions, sauf le messager alayhi salatu salam. Et qu'est-ce qu'il en est quand les paroles et les actes de l'homme de science sont en divergence avec la sunna authentique du prophète alayhi salatu salam qui dit « Kullu bid'atin dalala » Toute innovation est un égarement. Hein? Et rappelons la parole de l'imam Malik. Tout un chacun, on prend de lui et on lui rejette. Et on refute. Sauf le messager d'Allah. Et cette parole est forte des hommes de science. Qu'est-ce qu'il en est quand les paroles et les positions de cet homme de science sont en divergence avec la sunna? Et avec la parole, cette parole synthèse et cette parole qui est une règle fondamentale qui dit toute innovation est un égarement. L'imam Shafi'i a dit dans son livre Risala, l'énoncé ayant une portée générale dont la sunna du messager alayhi salatu salam reste sur sa généralité jusqu'à ce que vient un hadith confirmé pour en faire des restrictions. Comme la parole du prophète alayhi salatu salam, kullu bid'atin dalala, toute innovation est un égarement. Où est la preuve pour la restriction? Il n'y en a pas. Il a dit, rahimahullah, kullu kalamin, كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت يدل على أنه أريد بعض الجملة دون بعض ومن ذلك كل بدعة ضلالة فأين الدليل على تخصيصه يدي رحمه الله cette parole toute innovation est un égarement où il est la preuve pour restreindre quelque chose ou un acte ou une parole de la généralité et du sens de cette parole. Hein? Et parmi les paroles du savant auxquelles s'attachent ceux qui prétendent qu'il y a des bonnes bid'ah, la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah rapportée dans le Hilya d'Abi Nu'aym où il a dit البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر في قيام رمضان نعمة البدعة هذه Et donc, ils prennent comme argumentation aussi pour faire prévaloir leur prétendue bonne innovation, la parole de l'imam Shafi'i rapportée dans le Hilya par Abu Nu'aym rahimahullah, où l'imam Shafi'i a dit, il y a deux sortes d'innovations, une innovation louable et une innovation répréhensible. Ce qui est conforme à la sunna est louable, ce qui ne l'est pas, il est répréhensible et il a argumenté, rahimahullah ta'ala, par la parole de Omar ibn al-Khattab, il est bonne cette bid'a. Donc ceux qui prétendent qu'il y a une bonne bid'a disent, voici la division d'un grand imam, l'imam Shafi'i. Il est clair qu'il y a des bonnes bid'a. Les savants ont refuté cela. Ils ont dit Shafi'i a argumenté pour la bid'a louable par la parole de Omar ibn Khattab, ni'matil bid'atu hadih. Cela prouve qu'il veut tout simplement le sens linguistique de l'innovation et non pas le sens législatif. Et Shafi'i a dit que la bid'a est répréhensible. Que la bid'a répréhensible, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la sunna. Et donc, l'exception est faite, hein, au sens de la bid'a linguistique dans la parole de Shafi'i. Ça veut dire que ce qui est bon, c'est tout simplement au niveau du sens linguistique de la bid'a. Mais tout ce qui est répréhensible et qui n'est pas conforme à la sunna, il est à rejeter par Imam Shafi'i rahimahullah. Donc les hommes de science ont dit peut-être que Shafi'i rahimahullah voulait par cette expression les moyens et les choses nouvelles qui rentrent dans un fondement ou dans une règle fondamentale de la religion. Et ça ne fait pas partie des adorations comme ce que les savants appellent le masalih al-mursala. C'est-à-dire un moyen pour arriver à un but légiféré. C'est ça le masalih al-mursala. Exemple, la constitution du mushaf ou d'un seul livre. Le fait d'avoir réuni le Coran ou d'un seul livre. Tout ceci, pourquoi? Pour un but légiféré, qui est le fait que les gens ne divergent pas sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Et aussi, un autre exemple, la création des universités islamiques pour l'enseignement de la science des religions, de la religion, etc., etc. Ce genre d'acte ne rentre pas dans ce qu'on appelle l'innovation dans la religion. Car l'innovation concerne les actes de l'adoration. Contrairement à al-masalih al-mursala, qui sont un moyen pour arriver à un but légiféré. Hein? Même si au niveau linguistique, on l'appelle une innovation bid'a. Car c'est une nouveauté. Pourquoi on l'appelle comme ça bid'a? Parce que c'est une nouveauté. Et ce qui est voulu par Shafi'i rahimahullah, disent les hommes de science, et aussi les savants, ils disent que c'est ce qui est voulu par la parole de l'imam Shafi'i. Il voulait par cette parole, le masalih al-mursala, hein. Et aussi les savants disent que Shafi'i a blâmé tout acte innové dans la religion. Et tout acte que les innovateurs approuvent au prétexte que c'est une bonne bid'a, Shafi'i le blâme, il a blâmé. Comment on pourrait alors comprendre de sa parole qu'il voit l'existence d'une bonne bid'a? L'imam Dhahabi rahimahullah rapporte dans Siyar al-A'lam Nubala la parole de Mohammed ibn Daoud rahimahullah qui dit لم ينحب في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء ولا نسب إليه مع بغضه لأهل الكلام والبدع. Dans cette parole rapportée de Mohammed Abu Daoud, Mohammed ibn Daoud, dans Siyar al-A'lam Nubala de Dahabi, il a dit concernant l'imam Shafi'i, dans toute la vie de l'imam Shafi'i, dans toute sa vie, l'imam Shafi'i n'a pas eu une position ou une parole des gens des passions. Et on ne l'a pas affilié aux gens des passions. Et Shafi'i détestait les gens de la scolastique et les innovateurs de tous bords. L'imam Ahmed a dit, rahimahullah, comme il est rapporté par Dahabi dans Siyar al-A'lam Nubala, « Ma ra'aytu ahadan » ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي. L'imam Ahmed dit, dans ce qui est rapporté par David dans Sier, je n'ai pas vu quelqu'un suivre les preuves comme Shafi'i rahimahullah. Les hommes de science disent combien même si Shafi'i a voulu par son expression ce que prétendent ceux qui disent qu'il y a une bonne bid'a, qu'il y a une bid'a hasana. Ce n'est qu'une parole d'un homme. Et la parole d'un homme ne doit pas s'opposer à la législation. Alors que Shafi'i lui-même a dit إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقُولُوا بِهِ وَدَعُوا مَا قُلْتُهُ. Alors quand même l'imam Shafi'i a dit, a dit cette noble parole, si vous trouvez dans mon livre quelque chose qui est en divergence avec la sunna et qui n'est pas conforme avec la sunna, conformez-vous à la sunna et délaissez ce que j'ai dit. Comment un homme qui dit cette parole peut voir qu'il y a une hasana ou dit qu'il y a une bonne bid'a? Impossible. Et il est rapporté aussi dans Siyar de l'imam Dahabi que Shafi'i a dit كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. Écoutez ce qu'il a dit aussi dans ce qui est rapporté dans Siyar par l'imam Dahabi. Je dis et je prends tout hadith du messager alayhi sallam, même si vous ne l'avez pas entendu de moi. Il dit que tout hadith qui est authentique du prophète alayhi sallam, même si on ne l'a pas entendu de lui ni lu dans ce livre, il le prend. Comment un homme qui a dit ces paroles peut voir qu'il y a une bid'a hasana? On n'a pas le droit d'attribuer à Shafi'i rahimahullah l'approbation du bid'a. Ceci est injuste vis-à-vis de ce grand imam. Ceci est injuste vis-à-vis de ce grand imam. Et parmi les paroles des savants qui utilisent ceux qui approuvent la bid'a, la parole de Sultan al-Ulama, l'Izz ibn Abdissalam, qui a dit Al-Bid'atu hiya fi'lu ma lam yu'ad fi 'ahdi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajiba wa bid'atin muharrama wa bid'atin manduba wa bid'atin makruha wa bid'atin mubaha wa at-tariq fi ma'rifati dhalika an tu'rad 'ala qawa'id ash-shari'a. Et parmi les paroles auxquelles s'attachent ceux qui approuvent les bid'as et qui disent qu'il y a des bonnes bid'as, une parole de Sultan al-Ulama, Azdin ibn Abdissalam, l'Izz ibn Abdissalam, rahimahullah, qui a dit l'innovation, c'est tout ce qui n'a pas été fait à l'époque du messager alayhi salatu wassalam. Retiens bien ça. L'innovation, c'est tout ce qui n'a pas été fait à l'époque du messager alayhi salatu wassalam. Et l'innovation est divisée en innovation obligatoire, en innovation proscrite, en innovation préférable, en innovation détestable, en innovation permise. Et le moyen pour la reconnaître, c'est de l'analyser avec les preuves de la législation. Cette parole de l'Izz ibn Abi Salam a été utilisée par Sakhawi, par Siyuti, par Nawawi, par Al-Qarafi et d'autres, rahimahumullah. Les savants ont dit que cette définition, c'est-à-dire la définition de la bid'a qu'a donnée l'Izz ibn Abi Salam, englobe la définition des innovations législatives qui sont le proscrit et le détestable. qui sont ce qui est proscrit, ce qui est détestable. Il faut savoir que le détestable dans la parole des anciens, c'est ce qui est proscrit. Ils disent aussi, ils englobent aussi la définition linguistique qui est l'innovation permise et obligatoire. Ils disent la preuve pour cela, c'est la parole de l'Izz ibn Abdissalam qui a dit l'innovation, c'est tout ce qui n'a pas été fait à l'époque du prophète alayhi salam, et ce qui n'a pas été fait à l'époque du prophète alayhi salam englobe les choses de la religion et le mondain aussi. Il englobe les adorations, les coutumes, les rapports avec les autres et les transactions. Et c'est quoi l'obligation? C'est ce que la législation a ordonné en l'imposant. Et ceci, ne peut pas être une bid'a, parce qu'il fait partie de la législation d'Allah. Et c'est quoi le proscrit? Le proscrit, c'est ce que la législation a interdit d'accomplir en l'imposant. Et la bid'a fait partie des choses proscrites. Et ce qui est ordonné, peut être contenu dans la signification de la bid'a linguistique, comme le préférable. Alors que ce qui est interdit, il est concerné par la signification de la bid'a législative, c'est-à-dire proscrit, interdit. Et le détestable, c'est ce que le législateur a interdit d'accomplir sans toutefois l'imposer. Mais les premiers, rahimahumullah, ils utilisaient le makruh, le détestable, pour désigner ce qui est haram. Et le permis, c'est ce qui n'est pas concerné par aucun ordre, ni aucune interdiction, de quelque manière que ce soit. Le préférable, c'est ce que la législation a ordonné sans l'imposer. Donc le permis rentre dans la sunna. Le préférable rentre dans la sunna. Donc les savants disent que l'Izz ibn Abdissalam inclut dans sa définition le masalih le mursala, que nous avons expliqué tout à l'heure, qui sont les moyens pour arriver à un but légiféré. Et bien sûr, ces moyens doivent être légiférés eux-mêmes. Donc les hommes de science disent que l'Izz ibn Abdissalam inclut dans sa définition le masalih le mursala, car ils font partie des règles fondamentales de la législation, d'où sa parole, l'obligation, le préférable et la permise. Et parmi les ambiguïtés de ceux qui approuvent les bidats, des ambiguïtés qui découlent de la compréhension et du dhawq et de la scolastique. La scolastique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mélange entre la théologie chrétienne et la philo grecque, gréco-latine. Quant à dhawq, qu'on peut dire le goût ou les sensations, c'est la compréhension de certains particuliers des sophies. Et cette compréhension ne se fait pas par la législation, ni par la raison, mais elle se fait tout simplement par les sensations. Et cette forme de compréhension, les soufis disent qu'il n'y a que les particuliers qui l'ont. Ajib, il n'y a que certains privilégiés qui ont cette forme de compréhension. Bien sûr, certains privilégiés de l'égarement, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça aussi, c'est une forme d'ambiguïté, d'où ils tirent leur ambiguïté pour dire que ça c'est une bonne bid'a, de l'école de la scolastique, du daouk, des soufis, et ainsi de suite. Et fait partie de ces ambiguïtés, la parole qu'ils disent, mais cet acte, il met en application depuis longtemps et partout, et personne ne l'a blâmé. Comment tu viens, toi, pour le blâmer maintenant? Hein? Mais regarde, tout le monde le fait. Nos parents le faisaient avant, leurs grands-parents. Comment c'est aujourd'hui que ça devient une innovation? Pourquoi tous ces hommes de science ne l'ont pas blâmé? Et les hommes de science disent, s'ils veulent, par cette parole, le consensus de la communauté, le seul consensus considéré, c'est celui des savants, et non pas celui de la masse, ni le consensus des innovateurs. Le consensus qui est considéré dans la communauté, c'est le consensus des savants dignes de la sunna, et non pas celui de la masse, et non pas non plus de celui des pseudo-savants de l'innovation. Et s'ils veulent par cela les coutumes et les habitudes des gens, ceci n'est pas une preuve dans la religion d'Allah. Et justement, ceci, c'est l'égarement de prendre les coutumes, ce que font les gens, les coutumes et les habitudes des gens pour dire que ça c'est un acte légiféré ou c'est un bon acte, ça c'est de l'égarement. Et les hommes de science disent, quant à leur parole que personne ne l'a blâmé, ceci est faux et inacceptable. Car, dans le hadith, rapporté par le khatib, fi sharaf al-hadith, et par le balhaqi, et c'est un hadith authentique qui est rapporté par d'autres, والرسول صلى الله عليه وسلم دي يحمل هذا العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Donc ce hadith nous dit, porte cette science, c'est-à-dire la science de la religion, les dînes de chaque génération, qui purifie cette science des modifications des exagérateurs et des déguisements des faussaires et de l'interprétation des ignorants. Il n'y a aucun doute qu'il y a eu en tout temps, il y a eu des gens qui accomplissent ce devoir. Le devoir d'interdire les innovations. Et ceci est conforme à ce qui est dit dans ce hadith. Il y a eu toujours des gens, même s'ils sont peu nombreux à une certaine époque, hein, mais il y a eu toujours des gens qui ont blâmer les innovations. Prenez par exemple l'époque de la colonisation en Algérie. Regardez les travaux qu'il a fait Ibn Badis, rahimahullah. Hein? Le combat qu'il a mené contre les innovations, contre l'adoration des tombes, etc. Regardez aussi le combat et les efforts qu'a prodigué Cheikh Taqi Eddine Hilali, hein, dans certaines régions du Maroc, et durant ses voyages en Inde, en Égypte, et un peu partout, en Irak, et ailleurs. Donc, leur parole qu'il n'y a personne qui blâme, ceci est faux. Et regardez à notre époque aussi, et parmi leurs ambiguïtés aussi, pour défendre leurs innovations, l'utilisation des généralités des ordres. L'utilisation des généralités des ordres de la législation. Ils argumentent avec ça, par exemple, comme exemple, les évocations. Ils prennent le verset général, Udkurullaha katiran. Hein? Évoquez Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Et cette ambiguïté du fait d'utiliser les généralités des ordres, on la trouve dans beaucoup d'innovations. Et les savants ont répliqué et ont refuté cela en disant les preuves de la législation sont une vérité, mais l'acte désigné par le texte général, soit il va être préférable à faire pour sa spécificité, ou soit par le sens général qu'il contient, et non à cause des généralités des preuves de la législation seulement. Il y a d'autres choses à prendre en considération, la spécificité, hein? Donc l'acte désigné par le texte général, soit il fait partie des actes préférables à faire pour une spécificité, ou soit pour le sens général qu'il contient cet acte, et non pas à cause des généralités des preuves de la législation seulement. Et ils disent les adorations concernées par le préférable et le détestable sont soit absolues ou conditionnées. Soit leur ordre, l'ordre qu'il contient est absolu ou là il est conditionné. Ils sont de trois sortes. Il y a parmi ceux-là ce qui est préférable de par sa spécificité, comme les surrogatoires conditionnés par un temps précis. Prends comme exemple les dorkaat avant l'obligation du fajr, ou toutes les surrogatoires qu'on fait avant les prières obligatoires, ou la prière de Tarawih en commun, en groupe, pendant le mois de Ramadan. Il y a des surrogatoires qui sont conditionnés par une cause. Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse. Il faut qu'il y ait sa cause, l'éclipse. Salat l'istisqa, la prière pour demander la pluie. Il faut qu'il y ait la sécheresse et que ceci soit ordonné par le khalifa ou le gouverneur. Il y a salat l'istikhara, quand on a besoin pour entreprendre quelque chose. Donc cela, c'est des surrogatoires qui sont sujets à une spécificité. Le witr, au niveau du nombre, le witr, c'est une rak'at, 3, 5, 7, 9 ou 11. Les évocations après les prières obligatoires, il y en a de différentes sortes et leur nombre est différent. Il y a une variété et les nombres de chaque variété, l'un est différent de l'autre. Et il y a aussi ceux dont le sens est général. Ceux dont le sens général stipule qu'ils peuvent être faits à n'importe quel moment. Ils ne sont ni conditionnés par le nombre, ni par le temps. Il y a des actes. On est des domaines du préférable qui ne sont ni conditionnés ni par le temps, ni par un nombre. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, il y a ce qui est interdit de spécifier. Il y a des actes qu'il est interdit de spécifier, de leur donner une certaine spécificité. Comme le fait de donner la spécificité à la nuit du vendredi en accomplissant spécifiquement les prières nocturnes pour cette nuit. C'est-à-dire, le jeudi soir, du Bakhlas, c'est la nuit du vendredi, je lui réserve mes prières nocturnes. Là, ou la nuit du midi de Shaban, cette nuit, il a des mérites, le cas Shaban a des mérites, je lui réserve mon jeûne spécifiquement et mes prières nocturnes. Non. Donc le vendredi, on lui donne pas la spécificité par un jeûne, hein? Parce que c'est le vendredi. Et en même temps, on n'accomplit pas des prières nocturnes spécifiquement pour le vendredi parce que c'est le vendredi, parce que c'est la nuit du vendredi. Il en est de même. On n'a pas le droit de prier aux horaires d'interdiction, sauf les prières à cause, comme le stikhara et autres. Et parmi leurs ambiguïtés, ils prétendent qu'ils le font pour enseigner aux gens. Ils disent, nous, cet acte, on l'accomplit de cette façon pour que les gens apprennent. Les hommes de science leur disent, les gens n'apprendront rien avec les innovations. Les gens n'apprendront rien avec les innovations. Au contraire. Donc, la conclusion c'est que kullu bid'atin dalala, fala tujadu bid'atun hasana. Donc en conclusion, à partir de tous ces textes, des paroles d'hommes de science, et des nobles compagnons, etc., il nous apparaît clairement qu'il n'y a pas une bonne innovation et que toutes les innovations sont à fuir comme on fuit la gale, comme on se confie ses choix de la pandémie, parce que ça va détruire notre religion. L'innovation détruit la religion et elle émet plus d'Iblis que la désobéissance. Et je vais conclure avec ce hadith du prophète alayhi salam qui nous prouve comment le rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas et défendait la religion. Il voulait que la religion soit pure et qu'il voulait que aucun acte innové ne soit immiscé dans la religion. عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ها وقيكوتي سو حديث غابوتي بار إمام بخاري والإمام مسلم 3 ans 20 chez les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام afin de les interroger sur les pratiques cultuelles de notre messager عليه الصلاة والسلام. Lorsqu'ils en furent informés, cela leur a paru peu. Ils dirent alors, que sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah lui a pardonné ses péchés passés et ceux à venir. Ses péchés passés et à venir. L'un d'entre eux dit, alors, je passerai dorénavant toute mes nuits en prière. Toute la nuit en prière. C'est-à-dire, toute ma vie, je passerai toutes les nuits en prière. Le second dit, quant à moi, je pratiquerai le jeûne continuellement et sans le rompre. Le troisième s'exclama, quant à moi, je ne me marierai jamais. Le messager d'Allah, quand il a su cela, vint alors vers eux et leur a dit, est-ce bien vous qui avez dit ceci, cela? Par Allah, je suis celui qui craint et qui préserve les droits d'Allah le plus. Pourtant, je jeûne et je rompe le jeûne. Je prie la nuit et je dors. Et je me marie avec les femmes. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Regardez, il leur a rappelé, un acte de l'aqida. Je suis celui qui craint le plus Allah et qui préserve le plus ses droits. Il leur a rappelé un acte, deux actes de l'adoration. Prière nocturne et le jeûne. Et il leur a rappelé un acte de la vie mondaine. Le fait qu'il se marie avec, qu'il a des épouses et ainsi de suite. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, radiyallahu anhu wa arda, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. Et dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim, Abdullah ibn Mas'ud a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui font preuve d'un excès de zèle et d'exagération courent à leur perte. Il répéta cela trois fois. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Donc l'excès dans ces pratiques, dans les adorations, ne mène à rien. Car l'excès et l'exagération est éphémère. Et la personne va se lasser tout de suite. Très vite il se lassera. Et il laissera tomber. Partant de là, en conclusion, frère en Allah, Azza wa Jal, il n'y a pas de bonne innovation. Et qu'on fasse très attention que s'il n'y a jamais un appel de ces innovateurs qu'il y a dans la communauté, et ils sont nombreux, que Allah subhanahu wa ta'ala les guide, qu'on ne tombe pas dans leur filet. Allez-y, qu'on prie à telle heure ensemble, chacun chez soi, tant de prières, qu'on jeûne ensemble tant de jours, qu'on fasse tant de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala à telle heure, tous ensemble, et telle de prière sur le prophète, et telle, et telle, et telle. Tout ceci, ne devons pas tomber dans ce panneau. Ne devons pas être pris par les sentiments et dire que ceci est un bien. Regardez ce qu'a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à ses nobles compagnons. Il faut qu'on reste conforme à la sunna du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, en cette période de pandémie, et en cette période difficile que nous traversons, encore plus, nous devons nous conformer à la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et à s'atteler à l'apprendre au mieux, et à la pratiquer au mieux. Obligé, frère en Allah, azza wa jal, et qu'on profite de ce moment de confinement pour remédier à l'apprentissage de l'arabe, à l'apprentissage de la sunna, à l'apprentissage de la aqida, à l'apprentissage de nos obligations de 24 heures. Il faut que ce soit qu'on en profite. C'est une clémence d'avoir ce temps pour soi. Sallallahu alayhi wa sallam. رب العرش العظيم أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا وإياكم في دينه سأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وعن سائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سأله سبحانه وتعالى أن يخرجنا وسائر إخواننا من هذه البلاد سالمين غانمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا المهاجرين والمهاجرات على هجرتهم في بلدان المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.